La nouvelle du jour, c'est bien sûr le rapport accablant du Premier ministre perse sur la surproduction d'amphores des pays méditerranéens. Jamais l'Antiquité n'a connu une telle quantité d'amphores invendues et les autorités sont dépassées, on peut le dire, par le phénomène. Ni l'instauration de quotas, ni la mise en place d'une aide aux producteurs d'amphores pour réduire leur production n'ont réussi à endiguer ce flot qui croît de jour en jour. Les causes du phénomène, elles sont multiples. Toujours est-il que la situation est explosive, car qui dit surproduction dit baisse du prix, et ce sont aujourd'hui près de 10 000 producteurs d'amphores qui sont menacés de faillite, avec les conséquences que l'on sait. Un producteur d'amphores au chômage se met généralement à boire, il crie à table, et ensuite il frappe sa femme. La semaine dernière déjà, les producteurs grecs avaient déversé 45 charrettes d'amphores devant la préfecture d'Athènes. Ne sachant que faire des amphores, le maire d'Athènes, Démis Papandro Poudropoulos, a ordonné qu'elles soient chargées à bord de bateaux, qui seraient ensuite coulés au large, à une profondeur les rendant accessibles par les plongeurs de l'équipe Cousteau. Mais ce n'est pas avec de telles mesures que l'on pourra régler durablement le problème des amphores, problème qui rencontre peu d'écho au sein de la classe politique, essentiellement occupée à régler le problème des monstres marins qui terrorisent les régions côtières, un sujet que nous développerons plus tard dans la suite de cette édition.